Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le procès d'Oscar Wilde et la criminalisation de l'homosexualité. C'est avec l'affaire Oscar Wilde que le concept d'homosexualité, comme on l'entend maintenant, est apparu. Il y a un personnage que Moses Kaufman, l'auteur, interview dans la pièce. Il dit, écoutez, Wilde ne pouvait pas se définir comme étant homosexuel. Ça n'existait pas, cette notion-là. Et de toute façon, Wilde ne se considérait pas comme une sorte de personne. Il se considérait comme un individu. Et tout à coup, on essaie de le ranger dans une catégorie. L'homme de théâtre René-Daniel Dubois, à propos de la pièce « Grossière indécence » de Moses Kaufman, qui raconte les trois procès d'Oscar Wilde, extrait l'émission « Indicatif présent » en 1998. C'est en mai 1895 qu'Oscar Wilde est reconnu coupable de grossière indécence à la suite de sa liaison avec Alfred Douglas. Condamné à 2 ans de prison, Oscar Wilde ne se relèvera jamais de cette épreuve. Il meurt quelques années plus tard, en novembre 1900. Mais au-delà d'Oscar Wilde lui-même, l'intérêt de son procès et de nous permettre de comprendre comment le Royaume-Uni, de la fin de l'époque victorienne, en vient à criminaliser l'homosexualité. Nous présentons dans l'exposition un ensemble de photos de Saroni, qui était un photographe new-yorkais. Nous voyons Oscar Wilde en esthète avec ses culottes courtes, avec ses bas de soie, ses souliers vernis, sa chevelure avec l'arrêt soigneusement ménagé au milieu. Il a su vraiment créer un personnage un peu à l'image d'une rockstar. On peut penser à Salvador Dali ou Andy Warhol, qui quelques années plus tard seront aussi campés un personnage de dandy et d'esthète. Oscar Wilde sait mettre dans sa poche son public, l'étonner et le déconcerter par ses paradoxes. Dominique Morel, le commissaire de l'exposition « Oscar Wilde, l'impertinent absolu » qui a été présenté au musée du Petit Palais de Paris. Il était à la télévision française en 2016. Pour nous parler d'Oscar Wilde, ce personnage haut en couleur que décrivait justement Dominique Morel dans l'extrait qu'on vient d'entendre, pour nous parler aussi du procès ou des procès, plus précisément, que va subir Oscar Wilde, je reçois Catherine Tourangeau, qui est doctorante en histoire britannique à l'Université Yale aux États-Unis. Catherine Tourangeau, bonjour. Bonjour. Quelle importance a ce procès d'Oscar Wilde sur le plan historique? Et je dirais même, Catherine Tourangeau, au-delà d'Oscar Wilde lui-même. Bien, d'abord, le procès d'Oscar Wilde nous apprend beaucoup de choses sur le processus qui a mené à la criminalisation de l'homosexualité, quelque chose qui a eu évidemment des conséquences à court, mais aussi à très long terme, non seulement pour l'Angleterre, mais aussi pour les autres pays membres de l'Empire britannique à l'époque. Et c'est aussi un procès qui nous apprend beaucoup sur l'Angleterre, la toute fin de l'époque victorienne, sur sa moralité, sa perception de la sexualité, sur ses contradictions aussi, juste à l'aube du 20e siècle. Et c'est un virage. C'est la première fois en Occident, vous me corrigerez, où tout à coup, on décide de criminaliser l'homosexualité. C'est ça qui se passe à ce moment-là. Effectivement. Donc, l'homosexualité, c'est un concept qu'on commence à utiliser vers la fin des années 1860, mais qui n'est pas encore tout à fait codifié, formalisé. Donc, c'est avec le procès d'Oscar Wilde, certainement, qu'on commence à parler d'homosexualité ou d'avoir cette notion d'homosexualité. Oui. Et puis, Oscar Wilde, c'est quelqu'un de très, très connu au moment où ses procès commencent. Il est au pic de sa carrière. Ça doit contribuer. Parle-moi un petit peu de ça avant de rentrer dans le détail des procès, mais de ce qu'il représente, Oscar Wilde, à Londres, à ce moment-là, à la fin du milieu, fin du 19e siècle, en fait. Tout à fait. Donc, Wilde, c'est d'un côté, c'est le dandy très flamboyant, c'est l'homme de société avec un verbe tout à fait redoutable, un esprit vif. Il brille dans les plus hautes sphères, dans les lieux les plus à la mode de l'époque. C'est aussi un auteur de très grand talent que l'on admire notamment pour son grand roman, Le portrait de Dorian Gray, pour son théâtre. On peut penser au mari idéal, à l'importance d'être constant, à l'éventail de Lady Windermere. Donc, c'est une espèce de célébrité, vraiment, dans le long de la toute fin du 19e siècle. Donc, on comprend bien que ces procès qu'il va subir, ils seront très, très suivis par cette bonne société victorienne de Londres en Angleterre. Un petit mot sur les origines d'Oscar Wilde. À quel milieu il appartient? Quel genre de jeunesse, d'enfance il va avoir, Catherine Tourangeau? Alors, Wilde naît vraiment au milieu du 19e siècle dans une famille très respectable, très aisée de Dublin. Son père est chirurgien, grand spécialiste de la chirurgie des yeux en particulier. Sa mère est poétesse, Speranza Wilde, son nom de plume. Il est envoyé d'abord commencer des études à Trinity College Dublin, la grande école irlandaise. Mm-hmm. Il performe très bien, puis gagne une bourse pour continuer ses études à Magdalen College à Oxford, une très prestigieuse encore, université anglaise. Il performe très bien. Puis, à la suite de ses études, commence d'abord à travailler comme journaliste. Il vivote un peu comme journaliste et publie finalement en 1882 un grand recueil de poésie qui lui permet d'entreprendre des conférences d'abord au Royaume-Uni, puis en France, même aux États-Unis. Ouais. Il revient ensuite à Londres vers l'âge de 30 ans et c'est là qu'il épouse son amie Constance Lloyd, qui l'aime beaucoup et qui aussi est très fortunée. Ouais. Et qui lui donne deux fils. Et c'est peu après ça qu'il commence à avoir vraiment du succès avec sa plume, pas seulement un succès d'estime, mais aussi un succès commercial. Donc, un homme marié, en bonne et due forme, dans cette société victorienne de Londres, selon du 19e siècle. Mais on comprend bien, en vous écoutant, que c'est d'abord son ami, cette épouse, fortunée en plus, ça gâche rien. L'homosexualité là-dedans, ça se présente comment? Ça arrive quand dans sa vie? Et comment il la vit, surtout? Est-ce que lui qui est très connu, est-ce qu'on connaît son penchant homosexuel? L'homosexualité se manifeste chez Wilde de façon très claire lorsqu'il s'établit à Londres et qu'il découvre l'espèce de monde homosexuel. C'est là qu'il connaît ses premières aventures homosexuelles. On ne peut pas vraiment dire qu'il s'affichait ouvertement comme homosexuel à l'époque. Ce n'est pas quelque chose que les gens faisaient vraiment. Mm-hmm. Par contre, il ne se cachait pas non plus vraiment. Il n'était pas particulièrement subtil. Il y a toujours eu une petite arrogance quand même chez Wilde. Donc, oui, les gens savaient ou se doutaient fortement de son homosexualité. Sans que ce soit dit nécessairement. Sans que ce soit dit nécessairement. On savait. Puis en plus, il y a, ça c'est assez particulier, puis ça nous ramène à cette société londonienne très, très intéressante de la fin du 19e siècle. Vous disiez au début de l'émission, c'est à la fois une société très austère, c'est l'ère victorienne, mais en même temps très libérale. Par rapport à la question homosexuelle, Catherine Tourangeau, dans ce Londres-là, le Londres victorien de la fin du 19e siècle, il y a quand même une vie homosexuelle ouverte d'une certaine manière. En effet, dans la deuxième moitié du 19e siècle, Londres croît de façon complètement phénoménale. On a une population de plusieurs millions d'habitants. C'est la plus grande ville du monde et de loin. Et toute cette croissance-là s'accompagne de l'émergence d'une espèce de sous-culture homosexuelle beaucoup plus affirmée et beaucoup plus visible aussi que par le passé. Cette culture-là a une expression géographique d'abord. Certains quartiers, certains restaurants, certains cafés, hôtels, théâtres, musées deviennent associés à la sociabilité homosexuelle. On a aussi un aspect un petit peu plus institutionnel à cette sous-culture-là. On a des clubs, des associations, des sociétés créées pour et par des homosexuels qui sont toujours un petit peu cachés. On ne sait jamais tout à fait ouvert, mais ça devient très, très visible avec, bon, certaines publications aussi, des magazines, des journaux, certains romans, une poésie homosexuelle. On a même des guides touristiques là, qui nous permettent d'avoir accès à ce genre d'informations-là et qui étaient disponibles à l'époque. Ce qui est fascinant, encore une fois, c'est que cette vie homosexuelle, plus ou moins affichée, mais c'est là, ça existe. Pour qui n'a pas les yeux complètement fermés, on sait que c'est là, que ça existe. Tout ça se déroule au beau milieu de ce Londres qui vit sous le signe de l'austérité, de la moralité victorienne. Ça va donner quoi quand on se rend compte qu'il y a tout ce foisonnement homosexuel, disons ça comme ça? Quelle sera la réponse de cette bonne société victorienne de l'époque? Bien, cette réponse, en fait, prend un petit peu les traits d'un backlash, si on peut employer le terme. Une espèce de poussée de moralisme qui s'exprime d'une part dans les mouvements civiques pour la réforme des mœurs et d'autre part dans la législation. Donc, une législation très paternaliste, très sévère à l'endroit notamment de la sexualité. Ça commence d'abord en 1861 avec une première grande loi qui vise avant tout à encadrer la prostitution et à faire diminuer le viol et le commerce des jeunes filles, d'abord qu'on considère comme étant des menaces pour la moralité et pour la santé publique. Mm-hmm. Donc, un aspect très pratique à toutes ces lois-là. Et cette première loi est suivie donc de tout un appareil législatif qui culmine dans la loi de 1885, qui là change un petit peu sa cible pour prévoir des mesures plus musclées envers les hommes coupables d'abus sexuels ou de déviance sexuelle, comme on les considère à l'époque. Et ça, c'est le premier pas qu'on va franchir et qui va conduire à ce qu'on appelle l'amendement Labouchère, qui va être très, très important dans cette histoire de la criminalisation de l'homosexualité en Angleterre. Qu'est-ce que c'est que cet amendement Labouchère? Donc, l'amendement Labouchère, c'est une clause qui est ajoutée à la loi de 1885, un petit peu in extremis, un petit peu par accident. Et c'est une clause qui prévoit une punition pour tout acte considéré être de la grossière indécence. C'est une notion nouvelle qu'on ne voyait pas avant. La législation qui existait auparavant ne punissait que l'acte sexuel lui-même. Donc, la loi sur la bougrerie de 1533, donc qui remontait au 16e siècle, prévoyait jusqu'à la peine capitale pour la bougrerie, donc ce qu'on appellerait aujourd'hui la sodomie, mais n'avait pas vraiment de conception de l'homosexualité. Donc, ne prévoyait rien pour autre chose que l'acte lui-même. L'amendement à la Bouchère est un petit peu insidieux en ce sens qu'il vise à punir tout acte, un tant soit peu trop affectueux entre deux hommes, jusqu'à la sodomie, donc jusqu'à l'acte sexuel. En fait, c'est presque la... Vous me corrigerez, mais la nouveauté de cet amendement-là, c'est que c'est l'homosexualité qui est punie et non pas un acte précis. Non, exactement. Donc, toute relation qu'on pourrait penser romantique entre deux hommes, même deux hommes adultes, consentants, même si c'est vécu en privé, peut être passible, donc, d'une condamnation, donc devient criminel. Donc, revenons à Oscar Wilde, sa relation, donc, il est homosexuel, il a différentes relations, puis à un moment donné, il rencontre Alfred Douglas. C'est cette relation-là qui va éventuellement le conduire à sa perte et le mener devant le tribunal. Qui est-il, Alfred Douglas, parce que ça compte dans l'histoire, et dans quelles circonstances il rencontre Oscar Wilde? Alors, Wilde rencontre Alfred Douglas, surnommé Bosie, à l'été 1891 dans la sociabilité polie de l'époque, donc dans un théâtre. Alfred Douglas est de 16 ans le cadet de Wilde. Mm-hmm. C'est le fils d'un marquis. Il est poète, il est très beau. Il est un petit peu insouciant aussi, un petit peu rebelle. Les deux deviennent rapidement amants, commencent à s'inviter à dîner, vont au théâtre, voyagent ensemble. Ils sont pas tout à fait subtils, malgré ce qu'ils savent de la législation à l'époque. Ils sont vus, on les voit dans Londres ensemble. Tout à fait. Leur relation est connue. Et malheureusement, leur relation est aussi connue du père d'Alfred Douglas, le marquis de Queensbury, qu'on connaît peut-être un petit peu mieux pour avoir codifié les règles de la boxe moderne par ailleurs. Et donc, Queensbury tente d'abord de dissuader son fils de continuer sa relation avec Wilde, sans succès. Il se tourne ensuite vers Wilde lui-même, essaie de l'intimider à plusieurs reprises. Ça ne fonctionne pas. Une fois, il se présente même dans un théâtre où a lieu une représentation d'une pièce de Wilde, essaie d'interrompre la représentation, mais se fait sortir. Et comment Oscar Wilde se retrouve-t-il donc devant le tribunal? Eh bien, Queensbury décide de prendre une approche un petit peu plus frontale, si on veut. Il se rend au club préféré de Oscar Wilde, le club Albemarle, où il laisse une carte au valet avec pour seule inscription les mots « Pour Oscar Wilde » s'affichant comme sodomite. Wilde va visiter son club favori à peu près deux semaines plus tard, reçoit la petite carte, c'est extrêmement scandaleux. Furieux, il retourne chez lui et décide de prendre action. Donc, malgré le conseil de ses amis qui lui disent « C'est pas une bonne idée », ses amis incluant d'ailleurs George Bernard Shaw, il décide de faire émettre un mandat pour l'arrestation de Queensbury pour charge de diffamation. Ouais. Donc ça, c'est assez intéressant, cynique. C'est Oscar Wilde lui-même qui entame la procédure judiciaire. Puis évidemment, ça va se tourner contre lui parce qu'en 1895, il se retrouve donc devant le tribunal. Il y aura cette procédure en diffamation. Puis viendront, en réponse, au fond, à ce premier procès, les procès pour grossière indécence. On écoute un extrait du film de Christian Merliot, Le procès d'Oscar Wilde, qui a été réalisé en 2010. Vous allez voir le ton de cet extrait. On dit déjà pas mal sur la tournure que va prendre le procès d'Oscar Wilde. Maintenant, Mr. Wilde, je vous demande ceci. Considérez-vous que des sentiments d'un homme envers un jeune garçon, à peine arrivé à l'âge adulte ainsi décrit, sont convenables ou non? Vous estimez que c'est un genre de sentiment moral de la part d'un homme envers un autre homme bien plus jeune que lui? Maintenant, écoutez. Écoutez la description donnée par le peintre et sa confession à Dorian. Écoutez, je vous prie, Mr. Wilde. Il est vrai que je t'ai chéri avec bien plus de douceur de sentiment qu'un homme accorde habituellement à un ami. Il se trouve que je n'ai jamais aimé une femme. Je dois admettre que je t'ai follement adoré, de façon extravagante, absurde. J'étais jaloux de toi. tous ceux à qui tu parlais, je te voulais tout entier pour moi. Je n'étais heureux qu'en ta compagnie. Alors, ce qu'on vient d'entendre, ça nous donne évidemment une petite idée des bases sur lesquelles sera jugé Oscar Wilde. Comment vont se dérouler ces différents procès, Catherine Tourangeau? Bien, le premier procès, en fait, ne mène à rien. Les membres du jury n'arrivent pas à tirer de verdict clair. Donc, on commence un deuxième procès criminel. Et là, cette fois-ci, la charge est beaucoup plus musclée de la part de Queensbury, de l'avocat de Queensbury. Et cette fois-ci aussi, le premier ministre libéral de l'époque, Lord Rosebery, commence à s'en mêler. Les choses prennent une tournure un petit peu scabreuse parce que, ça reste un petit peu nébuleux. Mais certaines sources suggèrent que sous la pression de Queensbury, qui est le père de Douglas, Rosebery aurait décidé de mettre de la pression sur les membres du jury. Et bon, ce qu'on peut comprendre un petit peu des sources, ou en tout cas ce qu'on peut supposer, c'est que Rosebery aurait eu une relation homosexuelle avec Francis Douglas, le frère aîné d'Alfred Douglas, et donc le fils du marquis de Queensbury. Et cette relation aurait été révélée à la face du jour. Et Francis Douglas se serait enlevé la vie par la suite. Donc, Queensbury aurait déjà perdu un fils pour une affaire d'homosexualité et aurait utilisé ça pour faire du chantage, dans le fond, au premier ministre. Pour que le premier ministre intervienne, au fond. Pour que le premier ministre intervienne, mettre la pression un petit peu sur les avocats, sur les membres du jury. Les avocats, par ailleurs, ont commencé à utiliser la correspondance de Wilde avec Douglas comme preuve. Dans le procès, on commence à utiliser aussi les poèmes même de Douglas, l'œuvre littéraire de Wilde, le portrait de Dorian Gray, entre autres, avec ses thèmes, pour prouver sa culpabilité. Et là, c'est la première fois qu'on voit l'art utilisé de cette façon dans un procès. Évidemment, tout ça se déroule sous les feux de la rampe et attire énormément d'attention. Le but, évidemment, étant de démontrer clairement, par sa correspondance, par ce qu'il écrit, par ses œuvres de fiction, qu'il est homosexuel, ce qui, donc, n'est pas permis dans cette Angleterre du 19e siècle. La résultante, c'est qu'il va écoper d'une peine de 2 ans de prison. Oscar Wilde, à l'issue de son procès, comment il va vivre cette période de détention? Ça se passe très mal. Juste avant qu'il soit condamné, quelques lois ont déjà été adoptées qui rendent les prisons victoriennes encore plus invivables. Donc, des travaux physiques extrêmement taxants, on parle d'une diète aussi très pauvre, de conditions de détention volontairement inconfortables. Oui. Donc, Wilde devient malade dès le début de son emprisonnement, physiquement. Il développe aussi très rapidement une certaine dépression. Il y a de quoi? On le prive de livres, de matériel d'écriture. On le prive même de conversation parce qu'il est gardé en isolement. Donc, il sort de prison un petit peu affecté. Il apprend aussi en prison le décès de sa mère. Il apprend que sa femme a entamé des processus de divorce. Il apprend qu'il a perdu la garde de ses enfants. Abattu aussi, il faut le dire. Moralement abattu. C'est quelqu'un, encore, il ne faut pas le perdre de vue, qui est très, très connu dans ce Londres-là. Poursuivi, emprisonné, pointé du doigt. Et ça va donner ce qui va devenir un grand classique dans la littérature d'Oscar Wilde, la lettre des profondeurs, qu'il va écrire, justement, pendant qu'il est en prison. Cher Bosy, après une longue et vaine attente, je me suis décidé à t'écrire. Autant dans ton intérêt que dans le mien, car il me serait pénible de penser que j'ai subi 2 longues années d'emprisonnement sans avoir reçu de toi une seule ligne, la moindre nouvelle, ni même un message à l'exception de ceux qui m'ont affligé. Notre lamentable et fatale amitié s'est terminée pour moi par la ruine et la honte publique. Mais le souvenir de notre ancienne affection est souvent avec moi. Et je m'attriste à l'idée que le dégoût, l'amertume et le mépris pourraient prendre à jamais dans mon cœur la place que l'amour y tenait naguère. Et toi-même, je crois, sentiras dans ton cœur que mieux vaut m'écrire, tandis que je me consume dans la solitude de la vie de prison, que publier mes lettres sans ma permission, ou me dédier des poèmes sans me le demander, alors que le monde ne saura rien des expressions de douleur ou de passion, de remords ou d'indifférence qu'il te plaira de choisir pour ta réponse. Le comédien Guy Nadon, lisant un extrait de cette célèbre lettre de Wilde à son amant Alfred Douglas à l'émission Littérature actuelle en mai 1995. C'est en prison donc que Wilde va écrire cette lettre des profondeurs. La lettre va être éditée de manière posthume. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Pourquoi elle est importante et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette lettre-là, Catherine Tourangeau, sur cette histoire-là, sur Oscar Wilde, sur son état d'esprit au moment où il est en prison, après cette affaire, après ses procès? Bien, d'abord, c'est une œuvre vraiment magnifique. C'est une poésie très accomplie. Par contre, c'est une lettre qui a aussi une importance autre parce que, bien qu'elle soit formellement adressée à Bosé, qu'il a probablement commencé à l'écrire en pensant à son amant, en fait, il écrit la lettre pour publication. C'est très clair que assez rapidement, lorsqu'il commence à écrire cette lettre, dans les six derniers mois de son emprisonnement, qu'il entend la faire publier éventuellement. Donc, c'est une espèce d'aveu, mais c'est aussi, bon, un aveu, une confession, mais aussi une espèce d'accusation de la société britannique. Ça riposte. De l'époque, ça riposte. C'est un commentaire sur ses conditions d'emprisonnement, c'est un commentaire sur son homosexualité, c'est un jugement sur la moralité de son époque. Donc, ça couvre une espèce de pléthore de sujets très, très, très vaste. Cette lettre-là, qui est aussi extrêmement moderne, oui, dans son ton, dans ses sujets, dans ses thèmes. Oscar Wilde va donc ne s'en remettra pas de ses procès pour grossière indécence. Il va mourir en 1900, le 30 novembre 1900, quelques années après être sorti de prison. Ce sera peut-être la première personne célèbre à être condamnée pour homosexualité, disons-le comme ça, c'est ça dans les faits, mais ce sera loin d'être la dernière. En effet, Wilde, c'est pas le premier à être reconnu coupable sous les termes de l'amendement Labouchère de la loi 1885. C'est le premier cas de figure très connu. Ouais. Donc, c'est seulement en 1967 qu'on élimine cette notion de grossière indécence, seulement de façon partielle, par ailleurs, en Angleterre. Au Canada, il faut attendre 1969, donc on célèbre le 50e anniversaire cette année, la décriminalisation de l'homosexualité, c'est dire. Et en Angleterre, c'est seulement en 2017 que Wilde et, on estime, 50 000 autres victimes de la loi reçoivent un pardon officiel de l'État britannique. Catherine Tourangeau, doctorante en histoire britannique à l'Université Yale, ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Éric Saint-Pierre, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Ronald Georges, à la technique aujourd'hui Pierre Plante. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.